La femme de Fabien téléphona. La nuit de chaque retour, elle calculait la marge du courrier de Patagonie. Vers 1h15, tout était prêt. Alors, elle téléphonait. Cette nuit, comme les autres, elle s'informa. « Fabien a-t-il atterri ?» Le secrétaire qui l'écoutait se troubla un peu. « Qui parle ?»« Simone Fabien. »« Ah, 1 minute. » Le secrétaire, n'osant rien dire, passa l'écouteur au chef de bureau. « Qui est là ?» « Simone Fabien. »« Ah, que désirez-vous, madame ? Mon mari a-t-il atterri ?» Il eut un silence qui dut paraître inexplicable, puis on répondit simplement. « Non. »« Il a du retard ?»« Oui. » Il eut un nouveau silence. « Oui, du retard. »« Je vous en prie, répondez-moi. Où se trouve-t-il »« Où il se trouve ? Attendez. » Cette inertie lui faisait mal. Il se passait quelque chose, là, derrière ce mur. On se décida. Il a décollé de Comodoro à 19h30. La jeune femme se rappela soudain qu'il fallait 2 heures à peine pour se rendre de Comodoro à Trelew. Il vole depuis 6 heures vers Trelew, mais il vous envoie des messages. Mais que dit-il? Ce qu'il nous dit? Naturellement, par un temps pareil. Vous comprenez bien, ces messages ne s'entendent pas. Un temps pareil? Alors c'est convenu, madame. Nous vous téléphonons dès que nous savons quelque chose. « Ah, vous ne savez rien. Au revoir, madame. »« Non, non, je veux parler au directeur. »« Monsieur le directeur est très occupé, madame. Il est en conférence. »« Ça m'est égal. Ça m'est bien égal. Je veux lui parler. » Le chef du bureau s'épongea. « 1 minute. » Il poussa la porte de Rivière. « C'est madame Fabien qui veut vous parler. »« Branchez sur mon bureau. »